On va parler, c'est le commentaire sportif de notre ami Roger Bullitt. Salut Roger. Hey, salut, Danny. Hey Roger, Nick Suzuki, depuis le 26 octobre, occupe le deuxième rang des marqueurs de la Ligue nationale. Quand je regarde ça, c'est Bergevin, Marc Bergevin qui a quand même été chanceux parce que, rappelle-toi à l'époque de l'échange de Max Pacioretty, c'était Cody Glass qui était le joueur qui était le gros espoir des Golden Knights, puis c'est finalement Suzuki qui est en train de se démarquer. Oui, Glass devait être le gros joueur, mais finalement, il a pu, pareil, trouver un joueur pour rentrer ce rôle-là. Ouais. Donnons crédit au directeur général. Il a cherché Suzuki. Suzuki a accompli de l'excellent travail. Ce que j'ai aimé de Suzuki l'autre jour, c'est sa petite arrogance. Des fois, il faut que tu sois arrogant, mais en même temps poli. Là, ce qui a marqué, j'étais au Centre Bell ce soir-là. La première fois qu'il a lancé derrière le filet, il n'a pas lancé assez haut. Le gardien vieux avait capté la balle avec sa mitaine. La balle, là, avait capté la rondelle avec sa mitaine. La deuxième fois, gardien vieux, ça ne marche pas cette affaire-là. Mais un joueur vedette, une super vedette, fait quoi? Ça n'a pas marché pour te montrer que c'est bon. Il a contrôlé le défenseur comme si c'était une tasse de café vide. Il est arrivé, puis il a lancé de derrière le filet, contre le dos du gardien de but, et ça a rentré. Puis il a juste fait un petit sourire. En voulant dire, tiens-toi, Jean-Maurice, ça se fait marquer par l'arrière contre toi. Ça, cette arrogance-là m'a montré qu'il va devenir un excellent joueur. Ah, c'est un joueur. Je dis pas qu'il va devenir. Qui va devenir ce que Joe Sakic, mais il a le talent pour devenir un Joe Sakic. Hier, j'ai entendu un podcast hier, on le comparait à un mélange de Sakou Koivu avec Mike Ribeiro, puis ainsi de suite. Mais je pense que Joe Sakic, Non, il est meilleur que ça. Ouais, hein? Il est meilleur que ça. Quand tu regardes un joueur comme Koivu est excellent, mais un peu plus égoïste. Et dans le cas de Ribeiro, des mains incroyables, mais hors glace, ça laisse à désirer. Je pense que moi, j'aime pas ça comparer à un autre parce que tu es toi-même. Et dans le cas de Suzuki, c'est un mélange de toutes les deux ensemble, mais sauf ces deux-là ensemble, n'ont pas son talent à lui, tout ensemble. Tu comprends? C'est pour ça que si une partie de Suzuki et une partie de l'autre, parce que les autres, ils n'ont pas son talent à lui. Moi, je regarde Suzuki aller, son leadership et surtout son mentor. Son mentor, c'est Patrice Bergeron. Alors déjà, il y a un joueur à qui il peut se comparer d'une façon logique. Tu sais, c'est dit, mon mentor, ça aurait été, mettons, Crosby. C'est bien beau, Crosby, ton mentor, mais tu ne deviendras pas un autre Crosby. Il a trouvé un joueur, d'après moi, qui peut un jour imiter et avoir autant de succès que lui. Tu sais, comparé à Sakic, Michel Bergeron a vu Sakic, il a comparé à Sakic, il a comparé à Zeman. Je pense qu'il a point de vue de caractère, oui, mais si je regarde le talent, je pense pas qu'il va y avoir des saisons que ces deux-là ont connues offensivement. Puis c'est pas du tout le même hockey non plus. C'est plus défensif aussi dans le temps, là. Et c'est pour ça que quand Michel parle de ces deux joueurs-là, c'est tellement un beau compliment. Je trouve ça, c'est un compliment incroyable pour Suzuki, il les a connus. Mais lui, Suzuki, il va être Patrice Bergeron. Tu sais, le hockey d'aujourd'hui, est-ce qu'il est plus défensif? Oui et non, dépendant des joueurs. Regarde Totorola cette semaine, il a fait un commentaire. Personne n'ose faire de tels commentaires, mais ça fait longtemps qu'on dit que le cas de McDavid, il est très bon, mais il faut qu'il apprenne à gagner. Scottie Bowman avait dit, quand il est arrivé avec Detroit, il a rencontré Eiserman. Puis il a dit, veux-tu gagner? Il dit, veux-tu gagner la Coupe cette année? Oui. Il faut que tu arrêtes un peu plus ton offensive. Il faut que tu comprennes qu'il y a un temps pour être offensif, puis un temps pour être défensif. Et Suzuki, ce mélange-là, est en train de bien le faire. Il est en train de très bien le faire. Je regarde d'aller, tout comme Sakic a fait. Sakic a jumé à un moment donné son offensive, sa défensive, comme Michel Bergeron m'a enseigné ce matin. Et c'est ça que je trouve formidable. Il a fait ça. Moi, l'ajustement qu'il a fait, là, c'est incroyable. Ah. Et surtout qu'il n'a pas paniqué. Hey, je veux te parler aussi mais tu regardes ça dans le cas de Suzuki, s'il continue de même, il y a peut-être des chances de Team Canada. Il fait partie d'ailleurs de la liste des 55 joueurs. Là, mais je le vois, c'est un troisième ou quatrième trio. Ouais. Oui. Okay. Un troisième ou quatrième trio. Pas premier ou deuxième, il ne faut pas exagérer. Mais troisième ou quatrième, oui. Est-ce que Philippe Dano là, est aussi important pour toi que Carey Price? Pour le Canadien? Non. Non? Non. Parce que c'est Martin. Carey Price, c'est Carey Price. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, je dis pas qu'il est aussi important, mais il est mauditement important. C'est un joueur clé. Ouais. Mais c'est pas Carey Price. Disons que, mettre Dano avec l'équipe canadienne aux Olympiques, il fait-tu gagner les Olympiques? Non. Mais par Carey contre, Price a-tu fait gagner? oui, bah, J'ai pas suivi ça. j'aurais gardé les buts, puis je pense que je serais dans le filet, puis Ah, peut-être on. j'ai pas. Tu sais, la question, il faut que tu te poses dans le cas Ouais. d'Ano, est-ce qu'il voulait rester à Montréal? Moi, je dis non. On va être logique, là. Regarde la différence pour laquelle il a signé, c'est parce qu'il ne voulait pas rester à Montréal. Ben, on lui a fait promettre qu'il serait sur le deuxième trio, ça là, c'est un lait, ça. Oui, puis une promesse, Ouais. ça dure pendant une demi-saison. Ouais. Ça dure le temps de ton talent. C'est le temps de ton talent qui décide ça. Roger, on va Mais parler. je pense qu'il Ouais. faut regarder aussi, faut regarder, je pense que Dano aurait aidé le Canadien sans Ah, aucun doute. regarde, c'est mis Mais je au jeu. pense que Dano ne voulait plus jouer à Montréal. C'est mis Je au pense. jeu sur les, Ah oh, oui, je suis d'accord avec toi. des détails importants, là, l'infériorité Mais numérique. soyons honnêtes, là. Ouais. Soyons honnêtes, on a découvert la valeur de Dano dans les séries. Ouais. Avant les séries, on ne voyait pas un Dano aussi dominant. Mais on l'aimait, là. Ouais. Et faut jamais oublier, lorsqu'on a parlé de 5 millions de contrats, à l'époque, quand ça sortit, tout le monde disait que ça n'avait pas de bon sens, là. Les mêmes gens aujourd'hui qui disent qu'on a dû signer, à l'époque que ça sortit ce montant-là, la majorité disait non, on ne donne pas 5 millions à Dano, là. C'est pour ça que je mentionne ça, là. Moi, Dano, c'est un excellent joueur, sans aucun doute. Mais je pense que si tu as Price dans le filet présentement, je crois facilement, tu as 4 victoires de plus. Facilement. Mais le problème, c'est que Price fait des années qu'on ne voit pas en saison. Il a manqué plusieurs fois. L'année passée, si Jake Allen n'est pas là, on fait pas les séries, là. Ben, C'est un. Price, c'est pas là, il fait pas non plus, là. Voilà, c'est Je ça. m'excuse. Ouais. Regarde qui est la meilleure fiche. Regarde qui est la meilleure Non, fiche. mais je veux dire, il n'est pas là C'est durant la ça saison. Ça fait plusieurs années qu'il n'est pas là durant la Non, saison, là. mais ils sont plus là pendant la saison, Danny. C'est que nous autres, là, on rêve à des Martin Brodeur, puis on rêve à des Patrick Roy. C'est Ouais. fini, ça. Ça n'existe plus. Puis regarde les gardiens de but qui donnent trop de matchs. Il y en a juste un qui a eu du succès, c'était Fleury. Ouais. Mais c'est sûr que C'est le c'est ça. seul des dernières années. Les Mais il sûr. vient de la vieille école. Ouais. Mais les nouveaux gardiens de but, oui, ça, là, c'est 40, 45 matchs, 50 maximum. On est rendu là. Le voyagement avec les pratiques, c'est trop. Moi, je persiste à dire que les pratiques, le lendemain d'un match, la veille d'un match, un gardien de but partant du lendemain ne devra pas pratiquer. Il devra juste un entraînement spécial. Je compare ça à un lanceur. Donc, un entraînement spécial juste sur le bord de la pour le gardien de but partant. Parce que c'est une pratique. Une pratique est plus fatigante qu'un match, là. Mais C'est en sûr. pratique, tu en reçois des lancers, tu en reçois des déplacements. Bien plus que dans un match. Un match, ouais, peut-être 20 lancers. Dans une pratique, tu vas en avoir 150. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et 150 bons lancers. Roger, Ben, ouais, on va parler de baseball maintenant. Écoute, ouais. moi, je suis un grand fan d'Alex Antopoulos, je m'en cache pas d'ailleurs, là, mais Farhan Zaidi a été nommé dirigeant de l'année. Ça, c'est le directeur général des Giants de San Francisco. C'est sûr que les Giants, personne ne les voyait là. Le président, pardon. Exécutif, personne ne les voyait là. Les Giants de San Francisco, connu une saison de 107 victoires. Mais Alex, ce qu'Alex a fait, là, à la date limite des échanges, sans vider son réseau de filiales, c'est exceptionnel. Puis, j'ai un Ah, peu mais mis. écoute bien, Ouais. il a fait un travail incroyable, incroyable, incroyable. Tu sais, il a perdu ses 3 voltigeurs. Ouais. C'est comme tu perds ta ligne de centre ou tes 3 meilleurs joueurs, dont un de ceux-là, c'était son même frappeur de coup de circuit. Il les a remplacés. Il a fait un travail exceptionnel, Ouais. sans aucun doute. Mais par contre, si tu regardes la saison complète, les Giants, c'est les Giants. Moi, mon choix, c'était Alex comme directeur gérant, C'est oui, sûr qu'on est de vendu l'année. un peu, là. C'est sûr que déjà là, en partant, c'est. Non. Ouais. Je regarde la situation. Il a fait un travail exceptionnel pour être là, sans aucun doute. Mais regardons ce que les Giants ont fait aussi. Regardons les joueurs que les Giants sont allés chercher. T'sais, ils sont améliorés, eux autres aussi. Ouais. C'est pour ça que quand tu regardes l'ensemble, la 107 victoires, surtout, c'est comme le gérant de l'année. Si c'est pas de Kepler avec les Giants, on ferme les livres. Penses-tu que Bob Melvin va emmener les Padres? Parce que c'est là qu'on l'a vu, hein. C'est bien beau avoir du talent, ça prend un bon chef d'orchestre pour diriger tout ça. Et penses-tu que Bob Moi, Melvin va. je compare les Padres aux Blue Jays. On a trop de fun. Ouais. On s'amuse trop. Je pense que l'affaire que pour gagner chez les Padres, tout comme les Blue Jays, il faut arrêter de s'amuser. Faut commencer. Tu as vu les équipes dans les séries, là? Ouais. C'est sérieux. Ils sont sérieux, là. Il y a pas de, y a, on danse pas dans l'abri, on rit pas toujours. Je sais pas si tu comprends. Ouais, Vladimir Guerreau qui est super sympathique, mais dans le fond. Toute la gang. Ouais. Toute la gang. Pas juste Vladimir, toute la gang. Tu regardes chez les Padres, Tatis, même chose. À un moment donné, il y a un temps pour s'amuser, puis il y a un temps pour jouer. Ouais. Et je trouve que les Padres et les Jays n'ont pas encore trouvé le temps pour jouer. Peut-être un manque incroyables. C'est, bons. C'est la jeunesse, peut-être aussi. Manque d'expérience. Ouais. Manque d'expérience. Okay. C'est tout. C'est ça qu'il faut. Est-ce que Bob Melvin va pouvoir emmener ça? Je ne sais pas. Mais c'est ça surtout qu'il doit emmener. Emmener l'éthique de travail. Tu gagnes avec une éthique de travail. Mm. Tu sais, je vais te donner un nouvel exemple. Là. Ce gars de Belichick. Ah, okay? Mobile, oui. La culture. La culture. Gagner, c'est une culture. Regarde le Canadien. Regarde Tampa. Tampa vient de gagner deux coupes cette année. Ça ne danse pas. Non. Je sais pas. Regarde les Yankees. Regarde les Astros qui ont gagné. Sont rendus là. Regarde les Braves, les Dodgers. Ils ont du fun. Mais entre 7 et 8, tu en vas travailler avec du plaisir et non pas du plaisir en travaillant. C'est pas la même chose. Alors, c'est sûr, c'est sûr. C'est... Dernier point. Dernier point. Oui. Dans le Journal de Montréal, tu as une chronique. Tu as sûrement couvert la sortie d'Yvon Lambert, son livre. Là. Tellement pas surpris. Oui, j'étais là, oui. Tellement pas surpris qu'ils vont. Moi, je vois passer toutes les. Les photos, sa biographie a un bel accueil. Je suis pas surpris, mais Yvon, c'est un chic type. J'ai eu plusieurs fois une entrevue, c'est vraiment un chic type. Là. Je suis vraiment pas surpris que le monde soit content de sa biographie. Mais dans le cas d'Yvon Lambert, c'est le Québécois travaillant. Ouais. Le gars qui se lève le matin, qui a un emploi de 9 à 5, c'est ça, Yvon. Yvon, là, quand il se rendait à sa patinoire entre 7 et 10, c'était un col bleu. Ouais. C'était pas un... les super vedettes, c'est des cols blancs. Ouais. Ils travaillent, mais sont supérieurs aux autres. Le col bleu, c'est le travailleur, celui qui a pas peur de salir les mains, celui qui a pas peur d'aller sous une voiture pour changement d'huile, celui qui a pas peur de rentrer chez Alcan et travailler pour faire du travail. C'est ça, un col bleu. Et dans le cas d'Yvon Lambert, c'est un col bleu, c'est un travailleur. Okay. Puis nous autres, le peuple québécois, on est des travailleurs, on est des gars du peuple. Puis une bonne Yvon personne Lambert, aussi. Représente. Puis une bonne personne aussi. Ah, bien ça. Bien, écoute, bien généreuse, une personne généreuse qui a toujours aidé les gens autour de lui, toujours prêts à faire quelque chose, c'est jamais plein d'autorité. Comme je dis, le meilleur entraîneur que j'ai eu, c'est Scott E. Bowman, qui m'a enseigné c'est quoi d'être discipliné, mais il dit à l'occasion, je ne l'écoutais pas. Et Scott E. Bowman, dans son préface, il dit oui, c'est vrai qu'Yvon est indiscipliné un peu, mais quand il arrivait à sa patinoire, c'était pas la même chose. Fait que j'acceptais un peu ses indisciplines. Oui, effectivement. Et Roger, ça parle la semaine prochaine? J'attends ton appel. Notre ami Roger Boulotte.